pays qui frémit d'impatience. C'est tout un peuple qui réclame du pain. Vas-y sans peur, tente ton expérience. Nous sommes là pour faire taire les coquins. Vas-y les ronds, défends ton ministère. Vas-y Léon, faut que Marianne ait raison, car Marianne est une aumônière, et les ailes de son moulin doivent tourner pour les prolétaires, pour que les gueux ne créent plus de faim, de faim, de faim. Ce qu'il faut Léon, c'est la paix dans le monde. Commençons donc à la faire chez nous. À bas le canon qui gronde, il faut que l'amour nous donne rendez-vous. Vas-y Léon, défends ton ministère. Vas-y Léon, faut que Marianne ait raison, car Marianne est une meunière, et les ailes de son moulin doivent tourner pour les prolétaires, pour que le peuple ne crée plus de faim, de faim, de faim. Ce qu'il faut, Léon, secourir la vieillesse. Pas de médaille, mais du feu et du pain. Repose aux vieux, afin que la jeunesse puisse travailler et ne plus tendre la main. Vas-y Léon, défends ton ministère. Vas-y Léon, faut que Marianne ait raison, car Marianne est une meunière, et les ailes de son moulin doivent tourner pour les prolétaires, pour que les gueux ne créent plus de faim, de faim, de faim. Il faut, Léon, montrer que la République ne peut pas vivre sans la liberté. Sans liberté, rien de démocratique. Sans liberté, pas de fraternité. Vas-y, Léon, défends ton ministère. Vas-y, Léon, faut que Marianne ait raison, car Marianne est une meunière, et les ailes de son moulin doivent tourner pour les prolétaires, pour que le peuple ne manque plus de pain, de pain, de pain.